force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Nous voulons terminer l'année et nous ne devons pas être distraits parce que il faut que nous entrions dans la nouvelle année avec victoire, avec triomphe. Réveille-toi, réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, réveille ton mari, réveille tes enfants. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire un passage, Ésaïe 43, versets 1 à 7. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons Ésaïe 43, 1 à 7. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. » Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que je fais. Amen. Il y a trois vérités qui ressortent de ce passage merveilleux. Nous verrons d'abord, il y a des vérités sur Dieu. Ce passage nous révèle ce que Dieu est pour nous. Il y a trois éléments importants. Il se révèle comme étant l'Éternel, qui est traduit en hébreu par Yahvé. C'est Dieu qui est par lui-même, l'Éternel. C'est lui qui s'appelle Je suis, c'est lui l'Éternel. Il est incomparable. Il ne peut être comparé à un autre Dieu. Il se révèle également comme étant le Saint d'Israël, Israël Kadosh. C'est-à-dire, il se révèle ici comme un Dieu saint, un Dieu qui est séparé du péché. Et lorsque nous nous approchons de lui, nous devons réaliser sa sainteté. Mon frère, tu ne peux pas t'approcher de Dieu n'importe comment. Tu ne peux pas être rempli de rancune, de colère, et puis tu t'approches de Dieu. Souvent, si nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que nous ne réalisons pas la sainteté de Dieu. Il est le Saint d'Israël. Et il se révèle comme étant notre sauveur. Le sauveur, c'est celui qui délivre son peuple. Il te fait passer d'un état à un état de danger et il te transporte dans un état hors danger. Il est le sauveur d'Israël. C'est-à-dire, il est celui qui délivre. Dans les temps anciens, il délivrait Israël de ses ennemis. Et il continue encore de le faire aujourd'hui pour nous. Il est notre libérateur. Il est notre sauveur. C'est pourquoi il dit au verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. » Ceci nous rappelle encore la traversée des enfants d'Israël, de la mer Rouge. Tu peux traverser les eaux. Les eaux peuvent symboliser des situations difficiles, des épreuves. Mais le Seigneur dit, « Je serai avec toi. » De la même manière que les enfants d'Israël ont traversé avec la mer Rouge, parce que l'Éternel était avec eux. Tu vas aussi traverser l'année 2020, parce que le Seigneur dit, « Je serai avec toi. » Et il dit, « Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. » Ceci nous rappelle les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont été jetés par le roi Nebuchadnezzar au milieu de la fournaise parce qu'ils ont refusé d'obtempérer à l'ordre du roi selon lequel ils devraient se prosterner devant la statue. Ils ont été jetés, mais le Seigneur était avec eux. Je vais dire à quelqu'un, ne sois pas effrayé par quelqu'un qui te menace. Il te dit, si tu ne sors pas avec moi, je ne vais pas t'embaucher. Si tu n'adores pas mes dieux, si tu n'entres pas comme membre de tel mouvement, tu ne peux pas accéder à tel poste. Non, tu peux traverser le feu, mais le Seigneur dit, il sera avec toi. Deuxième vérité nous révèle ce que Dieu fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Il y a cinq choses intéressantes ici que ce texte nous révèle. D'abord, il est celui qui nous a créés et celui qui nous a formés. Il se révèle comme le créateur d'Israël, celui qui forme son peuple. Il nous a formés en Jésus en tant que peuple, en tant que corps. Vous voyez, il est dit au verset 1, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Jacob, c'est notre nom d'Israël. Vous voyez, celui qui t'a formé, ô Israël. Nous sommes l'Israël de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, vous au contraire, il dit, vous êtes une race élue. Vous êtes un peuple saint, un sacerdoce royal. Deuxième élément toujours ici, il nous rachète. Nous faisons partie des rachetés de Dieu. Il dit, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Racheter veut dire délivrer quelqu'un qui était un esclave. Et c'est ce que Christ a fait pour nous lorsqu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha. Jésus a versé son sang pour toi, mon frère qui m'entends, pour que tu ne sois plus esclave des sorciers, pour que tu ne sois plus esclave de la sirène des eaux, pour que tu ne sois plus esclave du péché. Ce n'est plus normal. Si pendant l'année 2019, tu étais toujours dans l'esclavage des femmes de nuit, des maris de nuit, tu ne pouvais pas dormir. Je prophétise que l'année qui va commencer, tu sors de cet esclavage parce que tu es un racheté et tu dois te considérer comme tel. Le Seigneur dit, je te rachète. Le prix du rachat a été déjà versé sur la croix de Golgotha et il faut t'en approprier. Je te rachète. Qu'est-ce que Dieu fait encore? Il dit, je donne des hommes à ta place. Il donne des hommes à notre place. Il dit ceci au verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Nous savons sur le plan historique ce qui s'est passé. Lorsque Dieu a décidé de délivrer les enfants d'Israël qui étaient captifs à Babylone, lorsque le roi Cyrus, roi des Perses, a ordonné le retour de la captivité. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a remplacé maintenant l'Égypte. Il a fait en sorte que les Perses puissent dominer sur Israël. C'était comme une compensation. Dieu dit, je donne les hommes à ta place. Je donne des peuples pour ta vie. Je vais dire à quelqu'un, le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Il y a des gens qui t'ont ciblé pour que tu puisses mourir. Ils ont dit, tu ne verras pas la fin de cette année. Mais je déclare que le Seigneur t'a libéré. Je déclare que tous ceux qui espéraient à ta mort seront dans la confusion. Parce que Dieu dit, il donne des hommes à ta place. Il y a peut-être des gens qui sont morts dans ta famille de manière bizarre. Peut-être que c'est toi qu'on a ciblé, mais Dieu, il a donné des hommes à ta place. Et il dit encore quoi? Il dit, il nous appelle par notre nom. C'est-à-dire que nous sommes un peuple, non seulement qui appartient à Dieu, mais il nous appelle par notre nom. Il dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu dois être fier. Si quelqu'un t'appelle par ton nom là, c'est qu'il te connaît. Tu as de la valeur. Troisième vérité concerne notre identité. Ce texte nous montre que nous ne sommes pas n'importe qui. Lorsque tu connais Jésus, tu as une nouvelle identité. Il y a trois éléments ici. D'abord, nous appartenons à Dieu. Nous lui appartenons. Il est dit ceci au verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Nous sommes la propriété privée de Jésus. Celui qui te touche, il touche à la prunelle de son œil. Est-ce que tu comprends? Tu appartiens à Jésus. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Tu dois te considérer comme la propriété privée de Jésus-Christ en tant que racheté. Et il dit encore quoi? Il dit, nous avons du prix à ses yeux. C'est le prix du rachat. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, voyez, nous avons du prix parce que Jésus a versé son sang. La Bible dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent que nous avons été racheté de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Nous avons du prix. Ton prix ne dépend pas de ton compte bancaire, mon ami. Ton prix ne dépend pas des voyages que tu as effectués en Europe ou aux États-Unis. Ton prix ne dépend pas du quartier dans lequel tu habites. Mais ton prix dépend de ce que tu as en Jésus. Tu as été racheté par le sang précieux. C'est pourquoi tu dois être fier. Tu ne dois pas être complexé. Tu ne dois pas envier les païens qui n'ont pas Christ. Et troisièmement, il dit, tu es honoré et que je t'aime. Dieu nous honore. C'est pourquoi nous devons l'honorer. La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Si les hommes de ce monde ne t'honorent pas, homme de Dieu, servant de Dieu, sache que Dieu t'honore. Quand tu as décidé de marcher avec Christ, quand tu as décidé de le servir, il y a un Dieu qui t'honore. Oui, j'ai dit à 2020, le Seigneur va poser un acte public pour t'honorer. Même si les gens ne veulent pas t'honorer, même si dans ton église, dans ta communauté, les gens ne veulent pas t'honorer, mais le Seigneur va t'honorer. Nous nous rappelons encore de l'histoire de Mardoché et d'Aman. Un jour, le roi s'est rappelé de tout ce que Mardoché a fait, alors que les autres ne voulaient pas le faire sortir. Mais une nuit, le roi s'est rappelé que Mardoché a été un loyaliste. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur va se rappeler de tout ce que tu as fait et il va décider de t'honorer comme il a honoré Mardoché. Il a fait descendre Aman. Je déclare qu'en 2020, tous les Aman seront en bas et les Mardoché, ceux qui ont marché avec le Seigneur, ceux qui ont été fidèles, ils seront honorés. Le Seigneur va te faire monter sur un cheval spirituel. Le Seigneur va te faire monter sur les hauteurs du pays parce qu'il dit, tu es honoré. Quel est le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Victoire, sois loué. gloire à Dieu. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Bénis le Seigneur pour toutes ces vérités. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission OSB, Opération sur la brèche. Nous remercions tous ceux qui sont venus nombreux à notre grande rencontre du 28 décembre à la mission Ephrata. Aujourd'hui, nous prions selon Ésaïe 43, versets 1 à 7. Voici quelques sujets de prière que nous vous suggérons. Nous venons de voir que Dieu se révèle comme étant l'Éternel, le Saint d'Israël. Il est notre Sauveur. Chacun de nous va élever sa voix. Tu vas prendre l'un de ses attributs. Tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui m'as créé. Tu m'as formé. C'est toi qui es le Saint d'Israël. Aide-moi à marcher dans la sainteté. C'est toi qui es mon Sauveur. Et tu dois te rappeler de combien de fois il t'a sauvé, il t'a délivré du danger. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel. Nous te glorifions et nous magnifions ton Saint-Nom. Nous disons merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais dans notre vie chaque jour. Nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, et nous demandons ta Seigneurie. Nous disons merci, Père, parce que c'est toi qui nous délivres des puissances des ténèbres. Nous te disons merci parce que tu es l'éternel Dieu. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Nous te remercions et nous te rendons grâce parce que depuis le début de cette année, depuis le 1er janvier jusqu'à ce moment, tu as été avec nous. Nous disons merci pour ta fidélité. Nous disons merci pour la sécurité que tu nous accordes chaque jour. Oh Dieu, que serions-nous sans toi? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternel. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Nous mettons notre foi en toi, nous mettons notre confiance en toi, nous mettons notre espérance en toi, une espérance vivante, parce que nous savons que tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, tu es le Dieu qui ne change pas, tu es le Dieu qui ne revient pas sur ses résolutions. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier parce que le Seigneur nous donne une promesse ici. Il dit, même si nous traversons les eaux ne vont pas nous submerger. Même si nous passons par la flamme ne va pas nous embraser. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je confesse que cette promesse va s'accomplir dans ma vie. Que les eaux ne vont pas me submerger. Les eaux ne vont pas submerger ma famille. Oui, la flamme que l'ennemi allume pour me consumer ne va pas me détruire, ne va pas m'embraser dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu seras avec moi, parce que tu es avec moi. Au nom de Jésus-Christ, tu vas t'approprier cette promesse. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche. silence dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père. Louange à toi, acclamation à toi. En cette fin d'année, nous avons foi, nous avons cette assurance, cette confiance en toi, que tout ce que l'ennemi prépare ne peut jamais nous atteindre, parce que nous sommes recouverts du sang de l'agneau. Ton nom est invoqué sur notre vie. Tout projet contre nous est sans effet. Parce que tu as dit, celui qui nous a touché les prunelles de tes yeux. Si nous traversons les eaux, tu es avec nous. Si nous sommes dans le feu ne peut pas nous embraser. À toi la gloire pour tes promesses qui s'accomplissent dans notre vie. À toi la gloire parce que tu as promis de veiller sur nos vies, sur nos enfants, sur nos époux et nos épouses. Notre travail est sécurisé. Quels que soient les projets de l'ennemi, de nos adversaires, de tous ceux qui travaillent dans le spirituel pour nous détruire, pour nous empêcher d'avancer, nous avons cette foi que tu es avec nous. Donne gloire à ton nom. Éloigne de nous la peur. Éloigne de nous tout projet maléfique, démoniaque, satanique, machiavélique. Au nom de Jésus-Christ, nous marchons sur les œufs des scorpions, des serpents et toute la puissance du diable. Et rien ne pourra nous nuire. Nous nous levons maintenant avec tes promesses dans la main, ta parole qui est l'épée de l'esprit. Nous détruisons les œufs du diable. Nous mettons la confusion dans le camp de l'ennemi et nous nous protégeons du sang de l'agneau. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus pour ta fidélité. Amen. Amen. Nous venons de voir ce que Dieu fait. Il nous révèle que nous lui appartenons. Nous avons du prix à ses yeux. Nous sommes honorés, il nous aime. C'est pourquoi il nous rachète. Il donne des hommes à notre place. Que chacun de nous puisse prier le Seigneur pour qu'il puisse réellement manifester de manière publique cet honneur. Et que ses enfants, ses serviteurs qui marchent avec lui, qu'ils puissent les honorer, qu'ils puissent manifester réellement que celui qui les a rachetés, celui qui les honore, et que tous ceux qui sont comme les Amman soient rabaissés, et que Dieu positionne ses enfants, ses serviteurs, pendant l'année 2020, qu'ils puissent honorer ses serviteurs, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh, Esprit. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh, Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, ce matin encore, nous voulons te dire infiniment merci pour ta grandeur. Nous sommes reconnaissants et nous t'exprimons, oh Dieu, notre action de grâce parce que tu as fait pour nous de grandes choses. Tu nous as préservés, tu nous as guéris, tu nous as restaurés, tu nous as récapacités, tu nous as repositionnés, tu nous as accordé un esprit nouveau. Chaque jour, tu as restauré ta grâce dans notre vie et nous avons été l'objet, oh Dieu, de tes bénédictions en en tant qu'individu, en tant qu'équipe de OSB, en tant que famille des rachetés, des fils de Dieu et en tant que pays, nous avons vu ta gloire. Et ce matin, nous sommes encore là pour te dire infiniment merci pour tout ce que tu as mis à part que tu as fait don à l'église, les serviteurs et servantes, ceux que tu as distingués, ceux que tu as réellement appelés. Merci pour ta grâce, merci pour l'onction qui les accompagne, pour la foi, pour la parole que tu mets dans leur bouche, afin que, Seigneur, tout ce qu'ils déclarent soit oui et amen. Tout ce qu'ils font soit pour ta gloire. Toute leur marche chrétienne soit des témoignages. Merci d'élargir les tentes de leur mission, de leur ministère. Merci de bénir tous ceux qui les accompagnent dans leur vision. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en cette année qui arrive, nous déclarons que leurs œuvres feront distinction, seront honorées. Et tous les amans, tous ceux qui s'opposeront à leur épanouissement spirituel, à l'avancement de ton royaume, seront abaissés. Merci Père, parce que tu es un bon Dieu. Encore aujourd'hui, tu nous libères dans ta grâce, dans ta bénédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.